il me disait, nous, dans l'islam, c'est Allah qui pardonne. Il n'y a pas d'intercesseur. Il n'y a pas d'associé. Il est Rahman, il est Rahim, il est Rafour. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran et le Karim, il me montrait des versets coraniques où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, wa innil rafar, liman taba, wa amana, wa amilu salihat, thumma ihtada. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné à ceux qui sont nés dans l'islam la chance d'avoir un père qui les tire pour se lever le matin, pour prier, une mère qui leur prépare à manger quand la journée du Ramadan, elle est finie. اللهم ثبتهم على الإيمان وارزقهم أعلى الجنان كما رزقتهم هداية القرآن بالقرآن اهتديت بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع Moi, je m'appelle donc Michael, j'ai 32 ans. Donc, mes parents sont tous les deux italiens, mon père et ma mère. Donc, on est d'origine italienne. J'ai grandi dans une famille de chrétiens pratiquants. J'ai été baptisé, j'ai fait ma communion, ma confirmation, etc. شاب ذكي طموح محب لله حتى قبل أن يدخل الإسلام كان ملتزما بديانته السابقة المسيحية إنه ميكائيل الذي استضافني في منزله بفرنسا شيخ إن شاء الله فالي chez moi شكرا على هذه الاستضافة في هذا ما شاء الله البيت الجميل الله يبارك فيك شيخ حمزة قبل الإسلام كيف كانت حياتك كيف كنت تعيش هل كنت تذهب إلى الكنيسة وتعيش كل الأمور والطقوس الدينية التي يعيشونها النصارى؟ Oui, donc moi j'étais chrétien pratiquant. J'ai été baptisé, j'ai été communié et je suivais des cours de catéchisme. Mes parents, surtout les Italiens, pour eux la religion catholique c'est très important. كان قلبه محبا لله فكان حريصا على دينه مهتما بالجانب الروحي في حياته Donc à l'âge de 15 ans ma recherche vers cette spiritualité a vraiment commencé je voulais développer quelque chose justement dans cette religion j'étais attiré j'avais quelque chose dans le cœur qui m'attirait dans la religion vers Dieu Mais cette religion ne m'apaisait pas, je ne me trouvais pas à 100% apaisé et serein dans cette religion. Le déclic ne s'est pas fait tout de suite en un claquement de doigts. Je cherchais à m'épanouir dans la religion, je cherchais à grandir dans la religion chrétienne. Oui, donc les questions que je me posais à ce moment-là, ben, c'était un peu le but de notre existence. Quel est le sens de cette vie? Pourquoi on est là? Et subhanallah, Allah il a envoyé des musulmans qui m'ont parlé de l'islam et qui m'ont pas fait da'wah sur qala Allah wa qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils m'ont posé des questions sur ma propre religion, sur mon propre livre, sur la Bible. Un tas de questions qui sont restées sans réponse ou alors malheureusement avec des réponses contradictoires. Wa kan hadha dhaka' min ashabih. فلم يدعوه إلى الإسلام مباشرة بل تساءلوا عن دينه من غير تجريح ولا استهزاء وهذا ما فعله نبي الله إبراهيم عليه السلام حينما قال لأبيه في سورة مريم يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا فكان لهذه التساؤلات من أصحابه أثرا كبير على ميكائيل من تقربه للإسلام بهداية فضلي ربي جمال قلبي La première question qu'ils m'ont posée, c'est sur la création de Dieu sur l'univers. Ils m'ont dit, comment Dieu a créé l'univers? J'ai dit, Dieu, le premier jour, il a créé ça. Le deuxième jour, il a fait ça. Le troisième, il a fait ça. Le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième jour, il s'est reposé. Il m'a dit, donc ça, c'est bien un verset de la Bible. J'ai dit, oui, c'est un verset qu'on lit. Dieu, le septième jour, il s'est reposé. C'est pour ça que les chrétiens, le dimanche, ils ne travaillent pas. C'était quelque chose, j'avais grandi avec ça. J'ai été éduqué dans ça. J'ai évolué dans ce repos de Dieu le dimanche. Et pour moi, c'était logique. Et le dimanche, on ne travaillait pas. Et même des fois, pour rigoler dans la famille, quand on disait dimanche, on fait ça. Non, dimanche, on ne travaille pas, c'est le jour du Seigneur. Nous, il m'a dit, dans notre religion, et il me cite le verset coranique, où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « Alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa ala l'arche » Et Allah subhanahu wa ta'ala, le septième jour, il s'est reposé sur le trône. Et là, je fais cette comparaison entre le Dieu que je suis en train de suivre, qui se repose, et ce Dieu qui a créé toute cette chose-là sans aucune fatigue. Il dit « Kun fayakun soit et c'est ». Et ensuite, il s'établit sur le trône. Voilà. Il y a complètement une perte de confiance et un doute énorme envers le premier, entre guillemets, Dieu qu'on est en train de suivre et qui fait partie de cette religion. فلا يصح ابدا ان نسال عن شيء فعله الله سبحانه وتعالى وخلقه الله سبحانه وتعالى فنقول لما فعله ولما لم يفعله فهو لا يسال عما يفعل وهم يسالون ولكن دلل العلماء وجعلوا اسباب ان الله سبحانه وتعالى عندما خلق السماوات والارض في سته ايام جعلوا لها اسباب فمن اظهر هذه الاسباب انهم قالوا ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يبين للملائكه حكمته حكمة الله سبحانه وتعالى في خلق السماوات والأرض ولم يبين للملائكة قدرته فقدرة الله سبحانه وتعالى على الخلق تكون كن فيكون الملائكة هنا استعظمت خلق الله سبحانه وتعالى بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم قال الله سبحانه وتعالى قال ثم استوى على العرش فاستوى الله سبحانه وتعالى على العرش استواء كبرياء وعظم لله عز وجل يا منزل القرآن نورا على أحمد أحسست باطمئنان بالنور لما ابتدى بالقرآن برحمه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتى أسلمت روحي للإله بالقرآن قرآني آياته كم أسعدت وجداني أحزاني ذبلت وفاح الزهر في شطآني رتلته فإذا الحروف بعطرها ملأت دمي ومدامعي وكياني. J'avais de plus en plus le doute dans ma tête. Et alors, j'allais me confesser, j'allais voir le curé en lui demandant pardon parce que j'étais en train de douter sur la religion chrétienne. Tu récites telle prière sur Marie, telle prière sur Jésus, telle prière sur Dieu, etc. Et je te pardonne et tu vas être pardonné. Par contre, à ce moment-là, les frères me disent, il t'a confessé, donc il te pardonne. Mais quel mal tu lui as fait à lui? Et là, je me pose la question, je me dis, mais c'est vrai, quel mal je lui ai fait? Et quel pouvoir il a pour te pardonner à la place de Dieu? Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'islam, il est Rahman, il est Rahim, il est Rafour. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran et le Karim, il me montrait des versets coraniques où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « Wa inni l'arafar liman taba wa amana wa amilu salihat thumma ihtada » Dans là, je prends une prise de conscience que c'est cette religion-là, entre guillemets, qu'il me faut. Pourquoi? Parce que c'est le lien direct de la créature envers son créateur. يا هائما هل تستمع Les questions qui m'ont été posées, la réflexion qui a été faite, etc., c'était un grand chamboulement dans ma tête. J'étais pas catholique, j'étais pas musulman, j'avais plus de religion. Et je demandais le soir, dans ma chambre, dans mon lit, à Dieu qu'il me guide à me trouver une solution parce que j'avais plus de religion. يقول ميكائيل في هذه المرحلة أحسست أني يتيما لأنه دون دين فلم يكن مسيحيا ولم يدخل في الإسلام فبعد فترة من الزمن قرر أن يرجع إلى القس الذي يثق به في الكنيسة القريبة من منزله واعترف له بأنه تعرف على مسلمين وأنه يفكر بالإسلام. Je me suis dit lui il va avoir un avis neutre, pas du tout. Il m'a donné beaucoup de points négatifs sur l'islam. Et là, le curé, il a dit, l'islam, oh là là, il me dit, c'est une religion de guerre, c'est une religion de haine, c'est une religion qui n'est pas tolérante, c'est une religion où la femme n'a pas sa place. Il m'a donné voilà, un tas de choses contradictoires qui, moi, à un moment donné, m'ont donné le sourire en me disant, ah ben voilà, la religion, elle n'est pas si parfaite que ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été voir ces frères-là en leur disant, voilà, le curé m'a dit ça, m'a dit ça, m'a dit ça, m'a dit ça. Et chaque point, ils m'ont prouvé par A plus B que le prêtre se trompait et qu'il mentait sur ce qu'il me disait. Alors là, c'est eux qui m'ont répondu, en m'ouvrant le Coran et le Karim, et me disant la place des femmes. Allah subhanahu wa ta'ala regarde la grande sourate qu'il a réservée à Nisa, les femmes. Quand je leur ai dit, oui, mais vous me dites que le curé m'a dit que vous étiez de religion qui n'avait pas de tolérance. Il m'a dit, nous avons une religion qui n'a pas de tolérance. Il ouvre le Qur'an al-Karim et il me fait montrer le verset coranique où Allah dit, « Lakum dinukum waliyad-din, à vous votre religion, à moi la mienne. » كل هذه القصة وهذه النقاشات مع أصحابه كان وقتها عمر ميكائيل لم يتجاوز 17 عاما وهذه رسالة إلى الشباب الذين يقولون نحن صغار سن فنهتدي عندما نكبر أو نصلي عندما نكبر وهذا خطأ كبير جدا فاعتنق الإسلام ميكائيل وهو صغير سن وتقرب من كتاب الله سبحانه وتعالى وتأثر به كثيرا والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. Je voyais vraiment que la religion chrétienne commençait vraiment à perdre de la crédibilité et que la religion musulmane m'attirait beaucoup, notamment avec l'éloquence de le Coran et le Karim, les versets coraniques. Quand on lit la Bible, on lit un texte, on lit une histoire, on lit. Quand on lit le Coran et le Karim, quand on écoute le Coran et le Karim, il n'y a jamais quelqu'un qui a pleuré en lisant la Bible. Le Coran et le Karim, des gens qui ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train d'écouter, les larmes, elles coulent. وكان يحب أن يسمع سورة الرحمن قبل إسلامه وتأثر بمعانيها كثيرا وكانت هذه السورة هي السبب باتخاذه قرارا مهما وهو النطق بالشهادة والله سبحانه وتعالى دي كل من عليها فن ويبقى الوجه ربك ذو الجلال والإكرام Et là je me suis dit cette dunya à un moment donné elle va finir aujourd'hui j'ai 18 ans Après, j'ai avoir 40 ans, 50 ans, 70 ans, 80 ans, ikhlas, et je vais mourir. Et là, tout ce que j'aurais fait ici va disparaître. Donc si on s'accroche à Allah fi dunya, on va retrouver Allah subhanahu wa ta'ala fil akhira. Et à ce moment-là, je me suis dit, subhanallah, je suis en train de grandir. Il y a quelque chose dans mon cœur qui est en train de grandir. Et j'ai appelé deux amis, deux personnes avec qui je parlais beaucoup de religion. Je les ai appelés et je leur ai dit, ça y est, je suis prêt à rentrer dans l'islam. Et il me dit, tu dois faire tes grandes ablutions. Alors je suis parti, donc il m'a écrit sur un papier comment je devais faire mes ablutions, irtisel, et je me suis lavé et je suis parti le voir et j'ai répété après lui. Il m'a dit Ashhadu, je répétais Ashhadu, la ilaha illallah, Ashhadu an la illallah, wa Ashhadu anna Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils étaient deux et il m'a dit Masha'Allah, Alhamdulillah, t'es musulman. Alhamdulillah. Masha'Allah. كان اختبار صعب وتحدي كبير على ميكائيل إذا اعتنق الإسلام دون أن يعلم أبواه، فإذا علم أبواه عن إسلامه سوف يطردونه من البيت وهو صغير سن ولا يملك المال أصلا. السؤال، كيف سيصلي؟ كيف سيصوم؟ اضطر ميكائيل في هذا الوقت أنه يفطر أحيانا في رمضان وأن يصلي كل الصلوات في آخر الليل. Je me rappelle, subhanallah al-adim, mon anniversaire, c'était au mois d'octobre. Et on était en plein mois de Ramadan. Et ma mère a appelé la famille, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, pour venir manger le gâteau à 5h de l'après-midi. Et j'ai dû couper cette journée parce que je n'avais pas le choix et que je ne pouvais pas dire que je ne voulais pas manger de gâteau. Quand il est venu ici, Mikaïl, il s'est allé tous les furoum, mais il s'est allé d'un seul. دعاء واحد اللهم اجعل أمي وأبي يتقبلوني مسلم سبحان من عدت إليه بسطت لنا كلتا يديه ألقيت أوزاري عليه يا ربي فاغفر ما عصيه موقف صعب كيف سيستمر هكذا ميكائيل؟ فأخذ يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجد له حلا واستجاب الله دعاءه فعندما تخرج من المدرسة مباشرة تم قبوله في الخدمة العسكرية لمدة سنتين. Pendant ces deux ans, j'ai pu travailler ma religion, j'ai pu apprendre, ça m'a renforcé parce que Shaitan il me mettait le doute dans mon cœur en me disant si tu continues sur cette religion-là, tu vas perdre ton père et ta mère. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné à ceux qui sont nés dans l'islam la chance d'avoir un père qui les tire pour se lever le matin, pour prier, une mère qui leur prépare à manger quand la journée du Ramadan elle est finie. Les convertis, généralement, ils ont eu quand même beaucoup de problèmes avec leur famille. Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ma famille. Les muhasib ni'mat al-abawayn al-muslimin, al-an yad'i Allah subhanahu wa ta'ala an yahfaz ummuhu wa abuhu. Wal-an yadhhab ila al-umm wa ila al-ab. يحب راس أبوه ويحب راس أمه يقول يا أمه ويا أبا أحمد الله سبحانه وتعالى إني انولدت مسلم وأنكم مسلمين وأنكم تدعوني للصلاة تدعوني للصيام تدعوني للزكاة تدعوني لحج والله غيركم فاقدها الآن هو مسلم وأمه وأبوه لم يدخلوا في الإسلام ويشعر بحسرة أمنيته الجميلة دليل على ذكائه في الدعوة Aujourd'hui je voudrais faire une salle polyvalente. Une salle polyvalente pour pouvoir faire des conférences, pour pouvoir ramener des conférenciers, pour pouvoir parler aux gens de l'islam. Parce que notre mosquée, mashallah, Masjid al-Nour, notre mosquée à Kievrochin, elle est, mashallah, elle est bien, mais elle est un peu petite. Et les gens, ils ont peur de venir dans une mosquée. Bi-idhnillah azza wa jal, tatahakkak hadhihi al-umniya ma'a mawqi' Nour. فيشرق الصبح والحياة أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني. ربيعي أنس أيامي، صديقي بوح أحلامي، شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي الدامي. ربيعي أنس أيامي، صديقي بوح أحلامي، شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي الدامي. ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت، وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت، مع القرآن اهتديت. أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب القرآن.